Frédéric Moreau, jeune provincial de 18 ans, venu faire ses études à Paris, connaîtra de 1840 à 1867 l'amitié indéfectible et la force de la bêtise, l'art, la politique, la révolution d'un monde qui hésite entre la monarchie, la république et l'empire. Plusieurs femmes traversent son existence, mais aucune ne peut se comparer à Marie Arnoux, épouse d'un riche marchand d'art dont il est éperdument amoureux.